الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قد سبق الكلام عن وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم بطالب وزوجته الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. La semaine passée, nous avons parlé du décès de deux personnes parmi les plus proches du prophète صلى الله عليه وسلم. La première étant son oncle, celui qui a pris soin de lui après le décès de son grand-père Abdul Muttalib. Il l'a éduqué et préféré à ses propres enfants. Nous avons également cité le décès de sa première épouse, celle qui l'a secouru, qui l'a suivi et cru en lui, Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha. وبعد تسعين من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. Et nous avions cité que les savants divergés quant à l'ordre qui est décédé en premier, Abu Talib ou Khadija. Les deux paroles ont été avancées par les gens de science et l'avis prépondérant étant ce qu'a cité ici Al-Nazim Ibn Abi Al-Izzah rahimahullahu ta'ala. Wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa aadu fa'alama. Puis l'auteur rahimahullahu ta'ala nous parle d'un événement qui a eu lieu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son retour de Taif. C'est qu'un groupe de djinns est venu écouter sa lecture alors qu'il priait de nuit. Ils ont cru en lui et l'ont suivi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'informa de cela avec des versets du Coran dans Sourate Al-Ahqaf et dans Sourate Al-Jinn. Wa qabla an nadhkura dhalik يحسن ذكر خروجه إلى طائف صلى الله عليه وسلم. Et avant de citer cela, il est bon de citer la sortie du prophète صلى الله عليه وسلم vers طائف. Il y a eu plusieurs événements entre le décès de خديجة رضي الله عنها et cette histoire authentique dans laquelle les djinns se sont convertis à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Donc suite au décès de Khadija radiallahu anha, tazawwaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Saudata bint Zam'ah. Après le décès de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé peu de temps après, certains ont dit quelques jours, certains ont dit un mois, d'autres ont dit plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Saouda. Il a épousé Saouda bint Zam'ah. Il a épousé Saouda bint Zam'ah, wa hiya Qurashiyya. Elle fait partie de la tribu de Quraysh. Et comme on le verra plus tard, inshallah ta'ala, en détail, si on ne l'a pas déjà vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé 11 femmes. Naam. La moitié environ était, yani l'ensemble de ces femmes-là étaient des Arabes, excepté une. Naam. Deuxième information, la moitié était Qurashiyya. Et le reste faisait partie des Arabes, mais n'était pas de la tribu de Quraysh. C'est ainsi qu'on définit les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la wajh al-tafsil. Et on situera cela en détail si ça n'est pas déjà passé. Donc, les savants ont dit que dans Fissalat al-Ashira, en l'an 10, taqriban, après Al-Bi'tha, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou 10 années après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Saouda bint Zam'a. وفي الحقيقة الذي يظهر أنها زوجته الثالثة لأنه عقد على عائشة رضي الله عنها ولم يبني بها ثم عقد على سودة رضي الله عنها وبنى بها. نعم، أما عائشة لم يبني بها إلا عند وصوله المدينة رضي الله عنها. Donc les savants ont cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé par la suite Saouda. D'autres ont dit en réalité, sa seconde épouse est Aïcha. Si ce n'est que le mariage n'a pas été consommé avant leur arrivée à Al-Madinah lors de l'Hijra. Donc, il a contracté le mariage avec Aïcha, radiallahu anha, mais n'a pas consommé le mariage. Puis, il a épousé Saouda et a consommé le mariage. Donc en réalité, Aïcha radiallahu anha est sa seconde épouse, puis Saouda radiallahu anha, et d'autres ont dit le contraire. D'autres ont dit le contraire. Et son émissaire fut la même personne, l'épouse de Uthman ibn Maz'un, qui se nomme Khawla bint Hakim. Khawla bint Hakim radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala tatazawwaj. Khawla bint Hakim, qui est l'épouse de Uthman ibn Maz'un, un des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, lui a dit, ô messager d'Allah, pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Naam, suite au décès de son épouse Khadija radiallahu anha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, man? Il lui a dit, avec qui? Elle lui a dit, in shi'ta bikran wa in shi'ta thayyiba. Il lui a dit, si tu veux une femme qui n'a jamais été mariée, une jeune fille, et si tu veux une femme qui a déjà été mariée. Si tu veux une femme qui a déjà été mariée, al-bikr, c'est la femme qui n'a jamais été mariée, c'est la femme vierge. Et al-thayyib, c'est la femme qui a déjà été mariée. Par la suite, soit elle est par exemple divorcée ou elle est veuve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mani thayyib, yani qui vois-tu comme femme, yani qui a déjà été mariée? Khawla lui a dit, Saouda. Naam, Saouda bintu Zam'a. Amanat bik, wa tabatk. Aladinik. Elle lui a recommandé Saouda. Elle lui a dit, c'est une femme qui a cru en toi, elle t'a suivi dans la religion. Naam. Et Amadha Saouda, radiallahu anha, fait partie de celles qui ont fait le hijra et l'al-habasha. Elle était mariée auparavant avec un homme qui se nomme Sakran ibn Amr. Qui se nomme Sakran ibn Amr. Qui était son cousin. Mais ce dernier est décédé fil Habasha. Il est décédé fil Habasha. Alors, Khawla l'a cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a recommandé afin qu'il l'épouse. Alors, Amada, puis il lui a dit, qu'est-ce que tu vois comme une femme qui n'a jamais été mariée? Elle lui a recommandé Aïcha. Elle lui a dit, Benatu ahabbin nasi ilayk. Elle lui a dit, la fille de l'homme que tu aimes le plus, la fille de Abu Bakr, Aïcha. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khawla afin de se rendre chez Umm Ruman, la mère de Aïcha. La mère de Aïcha est donc partie chez Abu Bakr et en entrant, a annoncé cette bonne nouvelle. Et a dit, Ya Umma Ruman, ma Roman, c'est la cunia de la mère de Aïcha, radiallahu anha, l'épouse d'Abu Bakr, une des épouses de Abu Bakr. Elle a dit, ma adkhalallahu alaykum min al-khayri wal-baraka. Ô Umma Roman, que vient donc de faire entrer Allah chez vous comme bien et comme bénédiction? Qalat wa madak, Umma Roman a dit, comment cela? Qalat arsalani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi khitbati ibnatik. Puis elle lui a dit que le messager d'Allah m'envoie afin de demander la main de ta fille Aïcha. Qalat intabiri Abu Bakr. Donc Umma Roman a dit à Khawla, attends qu'Abu Bakr vienne, arrive. Falamma ja'a qalat lahu nafs al-kalam. Lorsqu'Abu Bakr est venu, elle lui a dit la même phrase, ma adkhala Allahu alaykum min al-khayr wal-baraka. Que vient donc de faire entrer Allah chez vous comme bien et comme bénédiction? Abu Bakr a dit, que se passe-t-il? Et elle lui a dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande à Aïcha radiallahu anha en mariage. Qalat wa hal tasluhu lah. Abu Bakr a dit, mais est-ce que Aïcha lui convient? Pourquoi cela? Il a ajouté, innama hiya ibnatu akhi. Innama hiya ibnatu akhi. Elle a dit, ça n'est que la fille de son frère. Naam. Et elle dit, de par son lien avec Abu Bakr, ils sont très très proches. Puis, Mada, par la suite, Umma Roman a dit à Khawla que Abu Bakr avait promis Aïcha au fils de Mut'im. Naam, au fils de Mut'im. Et Abu Bakr n'a jamais trahi une parole. Il n'a jamais failli à sa kalima. Voilà. Donc Aïcha avait été citée auprès de Mut'im ibn Adi pour son fils. Par la suite, Khawla est revenue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a donc informé de ses dires, de leur dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé chez Abu Bakr afin de lui dire, Na'am, réponds-lui, Innaha ibnatu akhi fil islam wa sahibi wa hiya tasluhu li. Na'am, elle lui a fait dire que, ou il lui a fait dire, Na'am, en effet c'est la fille de mon frère en islam et de mon compagnon, et avec cela elle me convient. Il n'y a pas d'incompatibilité entre cette proximité et ce lien très solide, naam, entre Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il épouse, yani, sa fille. Fadahaba Abu Bakr ila Mut'im, wa kana bijambihi zawjatahu. Abu Bakr, radiallahu anhu, n'était pas complètement tranquillisé de cela, du fait qu'il avait évoqué Aïcha avec Al-Mut'im ibn Adi pour son fils. Et c'était comme un engagement. Alors il ne voulait pas faillir à sa kalima. Donc il s'est rendu chez lui et ils ont parlé de cela. Il y avait aux côtés de Al-Mut'im ibn Adi, il y avait son épouse. Et lorsque Abu Bakr radiallahu anhu est venu parler de cela, son épouse a dit, Yabna Abi Quhafa. Elle a interpellé Abu Bakr en lui disant que si son fils épouse Aïcha, il se peut que son fils rentre dans sa religion. Naam. Et elle lui a dit cela d'une manière déplacée. Elle lui a dit cela d'une manière déplacé. En gros, je crains ce mariage. Car si mon fils épouse ta fille, peut-être que vous allez le faire sortir de la religion. Vous allez le faire sortir de la religion et le faire entrer dans la vôtre. Fanadara Abu Bakrin ila Mut'im. Lorsqu'Abu Bakr a entendu cela de la part de la femme, il a regardé son époux, il a regardé Mut'im pour voir ce qu'il allait dire et comment est-ce qu'il allait réagir. فقال اتقول بما تقول هذه. Abu Bakr a dit à Mut'im, est-ce que tu dis la même chose qu'elle? Yani ça c'est les dires de ton épouse. Et toi, qu'est-ce que tu dis dans cette mas'ala? Alors il a juste dit, إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ. Il n'a pas parlé, il n'en a pas dit plus, il a dit c'est sa parole. Naam, il ne l'a pas contredit. فَخَرَجَ أَبُو بَكْرَ مِنْ بَيْتِهِمَا. Alors Abu Bakr est sorti, et la petite gêne qu'il avait s'est dissipée. Naam, la petite gêne qu'il avait s'est dissipée. Car il a su que cette famille ne méritait pas Aïcha. Radiallahu anha. فَزَوَّجَهَا رَسُولَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il l'a donc marié à Aïcha. Radiallahu anha. Plus tard, Khawla est parti voir Saouda. Et a dit à Saouda, مَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْكِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ. Ô Saouda, qu'a donc fait entrer Allah comme bien chez vous, comme bien, na'am, et comme bénédiction? قَالَتْ وَمَذَاكْ. Saouda a répondu, que se passe-t-il? قَالَتْ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَخْطُبُكِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ. Elle lui a dit que le message d'Allah m'envoie afin de te demander en mariage. Saouda a répondu, وَدِتُ. Elle a dit, يعني, j'aimerais bien cela. اُذْكُرِيهِ عِنْدَ أَبِي. Évoque-le, يعني, ce que tu m'as dit là, cite-le à mon père. Cite-le à mon père. Et tu vois l'adab de la femme saliha. Elle n'a pas fait de démarche, elle ne s'est pas avancée. Mais elle a informé que cela, يعني, était sa volonté, qu'elle aimerait cela. Naam, mais qu'il fallait en parler à son père. Il fallait en parler à son père. Le père est celui qui est censé vouloir le bien pour sa fille. C'est celui qui l'a éduqué, qui l'a préservé et qui veut le meilleur pour sa fille. C'est possible que le père veuille le bien plus encore que la propre fille pour elle-même. Et il se peut que le père sache où est le bien pour sa fille alors que la fille l'ignore. Il se peut qu'elle fasse un mauvais choix en ayant voulu faire des démarches seule. وكان شيخا كبيرا. C'est une personne âgée. Et Khawla l'a donc cité, elle a donc évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de son père. Son père a répondu, kuf'un karim. Naam. En d'autres termes, c'est une noble personne qui vient ici de demander ma fille. Al-kuf, c'est celui qui la mérite. Yani, qui est à son niveau, ou qui la mérite, et, ou qui est bon. Naam, il est bon pour nous de lui marier notre fille. Puis, regardez le comportement du père. وَرَأْيُ صَاحِبَتِكَ. Il a dit à Khawla, et quel est l'avis de ta copine? Quel est l'avis de ta copine? C'est-à-dire, que dit ma fille de cela? On voit ici, tout comme la fille s'est bien comportée envers son père, le comportement de son père également envers sa fille. Il ne s'est pas pressé, il n'a pas fait de démarche sans savoir ce que voulait et souhaitait sa fille, mais il a demandé son avis. فَقَالَتْ خَوْلَا هِيَ تُحِبُّ ذَلِكَ. Khawla a dit, ta fille aimerait cela. اِدَّعِيهَا لِي. Alors le père a dit, appelle-la moi. فَجَاءَتْ. Donc sa fille Saouda est venue et le père lui a dit, Khawla prétend que Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib t'a demandé en mariage. Wa huwa kuf'un karim. Naam, mais c'est une personne noble qui mérite qu'on lui accorde ta main. Puis, il lui a demandé, est-ce que tu veux qu'on te marie à lui? Elle a répondu, Naam. Elle a répondu oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité chez le père de Saouda, Zam'a, et il lui a marié sa fille. Lorsque le frère de Khawla est revenu, c'était la période du Hajj. Il était parti au Hajj, et comme on l'a déjà vu, Kuffar Quraysh faisait Al-Hajj. وكان معظمين للكعبة أيضا قبل إسلام بعضهم. Donc Quraysh immensifiait la Kaaba, ils avaient certaines adorations malgré leur polythéisme, ils avaient Al-Hajj par exemple. Donc lorsque le frère de Khawla est venu il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Sauda, il s'est mis en colère, car il n'était pas musulman. Il s'est mis en colère et il a fait à la manière des gens de la Jahiliya. Il a pris la poussière et le sable et il se le jetait sur la tête pour se révolter contre le destin. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui le bien, plus tard il s'est converti à l'islam. Et lorsqu'il citait cette histoire, il regrettait énormément. C'est-à-dire qu'il se rappelait le comportement qu'il a eu lorsqu'il a su que sa sœur Sauda avait épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme, et ces deux femmes même, Aïcha radiallahu anha et Sauda, font partie de celles qui ont le plus grand mérite parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Aïcha, elle a plusieurs particularités qui sont connues. Et pour ceux qui ne sont pas arabophones, je les envoie sur le site, la voie droite, à écouter la conférence sur Aïcha radiallahu anha. Elle a plusieurs particularités parmi lesquelles hiya ahabbu azwajin nabi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi. C'est celle qu'il aimait le plus. Naam. C'est celle dont toute la famille est musulmane. Lam yatazawwaj bikran ghayraha. C'est la seule femme qui n'avait jamais été mariée qu'il a épousée. Lam yanzil al-wahya al-wahyu fi lihaf imra'atin ghayraha. Le Coran ne lui a jamais été révélé alors qu'il était contre une femme, si ce n'est Aïcha radiallahu anha, ou auprès d'elle radiallahu anha. Allah Azza wa Jal, parmi ses particularités, l'a innocenté par des versets de Coran qui seront récités. Il a courbé Qiyam al-Sa'a fi Surat al-Nur. Allah Azza wa Jal l'a innocenté de ce dont elle avait été accusée injustement, bien évidemment, dans le Coran. Parmi ses particularités, il y a Afqahu Nisa'i al-Ummah bayl al-Alamin. C'est la femme la plus savante des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, c'est la femme la plus savante de la communauté, si ce n'est la femme la plus savante du monde. Aïcha radiallahu anha. Et son musnad, yani, les hadiths qu'elle a rapportés, yani, yamin al-mukthirin. Aïcha radiallahu anha fait partie de la poignée de compagnons qui ont rapporté plus de 1000 hadiths. Naam, plus d'un millier de hadiths. Elle a rapporté, on dit qu'elle a rapporté un quart de la religion. Naam, dans l'ahkam al-fiqhiyya. Et parmi ses particularités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé chez elle. Et la dernière chose qui se mélangea dans sa bouche fut sa salive. Lorsqu'il a utilisé le siwak de son frère après qu'elle l'eut ramolli. Il y a beaucoup de particularités et sa biographie est des plus magnifiques. Je vous invite à l'écouter. Quant à Sauda bint Zam'a, une des premières épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le décès de Khadija radiallahu anha, c'était une femme très pieuse. Elle a comme particularité qu'elle fait partie des premières à avoir suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en islam. C'est une des personnes qui a fait al-hijra, al-habasha. Et malgré la jalousie de Aïcha envers les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pu s'empêcher de faire les éloges de Sauda. Au point d'avoir dit, comme le rapporte l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, ma ra'aytum ra'atan, je n'ai jamais vu une femme, ahabba ilayya min an akuna fi mislakhiha, je n'ai jamais vu une femme, na'ab, j'aurais jamais voulu être dans la peau d'une femme comme j'aurais voulu l'être, si ce n'est dans la peau de Sauda. Aïcha radiallahu anha a dit, je n'aurais jamais aimé être dans la peau d'une autre femme en dehors de Sauda. Naam, en dehors de Sauda. C'est-à-dire que pour elle, c'est une des meilleures femmes, les plus pieuses, les plus droites. ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها أي في جلدها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. Donc, Aïcha a dit, je n'aurais jamais préféré être dans la peau d'une autre femme. Comme j'aurais aimé être dans la peau de Saouda bintou Zama'a. Si ce n'est qu'elle avait une certaine dureté. Si ce n'est qu'elle avait une certaine sévérité. Naam, c'était une femme, yani, qui avait une certaine dureté. Puis elle cite une autre de ses qualités et de ses particularité. فَلَمَّا كَبُرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعَائِشَةَ. Lorsque Saouda a pris de l'âge, elle a donné sa nuit à Aïcha radiallahu anha afin de rester sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam du nombre de ses épouses en espérant l'être dans l'au-delà, car comme on le sait, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde le sont également dans l'au-delà. Le sont également dans l'au-delà. Ils n'avons pas le droit de les épouser après Mada, son décès, comme c'est dans Suratou Al-Ahzab. Ala kulli hal, Saouda atharat mahabba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ma tahwa. Saouda, parmi ses particularités ici, c'est qu'elle a préféré ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait sur ce qu'elle a aimé elle-même. Elle a recherché avec cette action l'agrément d'Allah azza wa jal, puis celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle chose plus difficile que de faire son action? Quelle chose plus difficile que de faire son action et de préférer ce que l'époux aime à ce qu'elle aime pour sa propre personne? Donc elle avait de nobles caractères et c'était une femme très pieuse. Une autre histoire qui montre la piété de cette femme, sa droiture et ô combien elle suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. C'est qu'après Hajjatul Wada', vous savez tous qu'à Hajjatul Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emmené ses épouses. Lorsqu'il a fait le Hajj, il a emmené ses épouses. Et une femme n'a pas le droit de faire le Hajj sans mahram, ni al-umra, si cela nécessite, yani si cela requiert de sa part un voyage. C'est, si ça n'est pas une distance de voyage, elle a le droit de faire le Hajj ou l'umra. Mais si cela nécessite, comme pour la plupart, un voyage, alors dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de le faire. Elle n'a pas le droit de le faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La tusafir imra'atun tu'minu billahi wal yawmi l'akhir masafata yawmin wa layla illa ma'adi mahram. » À la kulli hal, à la fin du Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, هذه أي هذه الحجة ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ظهور الحسر. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit voici chose faite, c'est-à-dire ce pèlerinage là vous l'avez fait, désormais il vous faudra rester dans vos demeures. Il s'adresse à ses épouses Saouda radiallahu anha et Zainab bint Jahsh, ces deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le Hajj ne sortaient plus. Elles n'ont plus jamais refait le Hajj. Alors que les autres se rendaient au Hajj de temps à autre. Mais elles deux, Saouda et Zainab bint Jahsh, ne sont plus jamais reparties accomplir le pèlerinage. Et lorsqu'on les questionnait sur cela, pourquoi est-ce qu'elles ne font pas comme les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles répondaient, La tuharrikuna dabba, aucune monture ne nous fera bouger, ba'dama sami'na min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Plus aucune monture, plus aucun moyen de locomotion ne nous fera nous déplacer pour accomplir le pèlerinage, après ce que nous avons entendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant référence à ce hadith, li shiddati l'ittiba', tellement il suivait à la lettre les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Abu Talib, les nuisances de Quraysh se sont fait plus intenses et ils lui ont fait beaucoup plus de mal. Alors dans cette grande détresse, Zahaba ila Ta'if. Il s'est rendu à Ta'if. Wa kana yarju islamahu wa nusrata minhum. Et il espérait que Ta'if embrasse l'islam. Et il espérait recevoir de leur part la cause de soutien et de secours. Alors il est parti à Ta'if. Il a voyagé à Ta'if. Et il est parti à pied, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ta'if, c'était un endroit stratégique. Pourquoi ? Car il y avait certaines richesses de Quraysh qui s'y trouvaient, certaines terres, et c'était un lieu de passage lorsqu'ils faisaient du commerce, et d'autres choses parmi leurs nécessités. Alors il s'est rendu à Ta'if, à pied, accompagné de Zayd ibn al-Harith. Accompagné de Zayd ibn al-Harith. Zayd, radiallahu anhu, était celui qu'on appelait Zayd ibn Muhammad. Était celui qu'on appelait le fils adoptif de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah a interdit cela. Puis Allah a interdit qu'on appelle les enfants, qu'on les affilie à autre que leur père. Naam. Et de là, tu comprends l'erreur de celle qui se marie. Naam. Lorsqu'elle change le nom du père, le nom de famille, Adam, Ayajouz. Ceci n'est pas permis. Lorsque la femme se marie, elle peut dire épouse de un tel. Mais elle ne peut pas enlever, supprimer le nom de son père et prendre le nom du père de quelqu'un d'autre, le nom de famille d'une autre famille, Adam Ayajouz. Naam, Adam Ayajouz. La femme, elle ne change pas de nom. Le père, l'homme ne change pas de nom. Naam, ça c'est la lignée, ça c'est le nom, c'est la famille. Tu n'as pas le droit de le changer. Lorsqu'elle se marie, elle garde le nom de son père. Et si elle veut, elle ajoute épouse d'un tel. Si elle le souhaite, elle ajoute épouse d'un tel. Quant au fait d'enlever le nom du père et de mettre le nom donc du père de quelqu'un d'autre, en réalité le père de son mari, Adam Ayajouz, ceci n'est pas permis. Donc, Zayd ibn al-Haritha accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait ce voyage à pied. Aisha radiallahu anha nous raconte cela. Elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour en lui disant: Hal ata alayka yawm kana ashadda alayka min yawm Uhud? Ô messager d'Allah, t'est-il arrivé un jour plus difficile? Est-ce que tu as rencontré un jour plus difficile que le jour de Uhud? Naam, vous savez tous que le jour de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a risqué sa vie, on lui a cassé des dents, on a fait couler son noble sang. Et beaucoup de ses compagnons sont décédés, et son oncle Hamza radiallahu anhu est décédé, et ainsi de suite. Donc elle lui cite le pire. Elle lui cite, yani, la difficulté la plus grande. Elle lui dit, est-ce qu'il t'est arrivé pire que cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ. Elle lui a dit, je subis de lourdes nuisances de la part de ton peuple. Et les plus lourdes nuisances me sont arrivées le jour de l'Aqaba. Id aradtu nafsi ala ibn abdi yalay ibn kilal. Il lui a dit, le jour où je me suis rendu auprès de abdi ou ibn abdi yalay, les gens de Ta'if, de la tribu de Ta'if, فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ. Et ils ne m'ont pas répondu favorablement à ce à quoi je les avais invités, c'est-à-dire التوحيد والإسلام. فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِ. Alors je suis parti lorsqu'ils n'ont pas accepté mon prêche, et la tristesse se voyait sur mon visage et le souci. فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ. فرفعت رأسي فإذا أنا بصحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors qu'il s'en est allé vers Qarn al-Tha'alib, soudainement il a vu un grand nuage. Naam, il a levé son visage, un grand nuage qu'il l'a mis dans l'ombre, tellement qu'il était important. Et en levant son visage, il a vu, il nous dit, c'est alors que j'ai vu Jibril. Fanadan, Jibril m'a appelé. Faqala inna Allah azza wa jal, qad sami'a qawla qawmik, laka. Certes, Allah azza wa jal a entendu la parole de ton peuple. Wa ma raddu alayk, et leur réponse à tes dires. Wa qad ba'atha ilayka malaka al-jibal, et il t'a envoyé ici l'ange des montagnes. Lita'murahu bima shi'ta fihim, afin que tu lui ordonnes de faire ce qu'il veut, ce que tu veux d'eux. Fanadani malakul jibal wa sallam alayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit et dit, alors l'ange des montagnes m'a interpellé et il m'a salué. Thumma qala ya Muhammad, inna Allah sami'a qawla aw qawmaka lak. Ô Muhammad, l'ange des montagnes s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Muhammad, certes Allah a entendu ton peuple et ce qu'ils t'ont répondu. Wa ana malikul jibal, et je suis le mada, le responsable, ou l'ange des montagnes. Wa qad ba'athani rabbuk ilayka lita'murani bi amrika fama fi ma shi't. Je suis l'ange des montagnes et ton Seigneur m'a envoyé auprès de toi afin que tu m'ordonnes ce que tu veux que je fasse de ton peuple. In shi'ta, si tu le souhaites, an utbiqa alayhim al-akhshabayn al-jabalayn al-azimayn. Si tu veux, je les écraserai entre les deux grandes montagnes. Entre les deux grandes montagnes. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdah la yushriku bihi shay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à la proposition de l'ange des montagnes après avoir reçu tout ce mal de son peuple. Non, mais j'espère plutôt en Allah qu'il fasse sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul, sans rien lui associer. Seul, sans rien lui associer. Voici l'histoire de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taif. Et de ce noble hadith, il y a de nombreuses leçons. Parmi les leçons, le fait que da'iya ila Allah la yuftir abadan, la yuftir abadan. Le fait que celui qui prêche et qui invite les gens à Allah Azza wa Jal, il ne délaisse jamais cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort du décès de Khadija, du décès de Abu Talib, de la nuisance de son peuple. Malgré cela, il n'oublie pas sa mission. Malgré cela, il n'oublie pas sa mission. Il trouve cette porte fermée, il va frapper à une autre. Il trouve celle-ci aussi fermée, il va frapper à une autre. Il se déplace, il dépense de ses efforts, de sa santé, de ses biens. Pourquoi? Pas pour lui. Pour la communauté, pour l'humanité, afin que ces derniers obtiennent la réussite dans ce bas monde et l'agrément d'Allah Azza wa Jal et son paradis dans l'au-delà. On voit aussi que celui qui invite Allah Azza wa Jal doit savoir qu'il sera éprouvé dans sa personne, dans sa religion, dans son honneur, dans ses biens, dans sa famille, dans ses proches, et ainsi de suite. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le véridique parmi les véridiques. Il vient appeler le peuple de Taif à l'islam et ils l'ont rejeté. Il y a de nombreux hadiths qui sont venus nous détailler ce qui s'est passé lorsqu'il est parti à Taif, si ce n'est que la plupart ne sont pas authentiques. Si ce n'est que la plupart ne sont pas authentiques. Dans certaines versions, on nous dit que les gens de Taif ont ordonné à leurs jeunes et aux faibles d'esprit d'agresser verbalement et physiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où certains lui criaient dessus, au point où certains l'insultaient, wal'iyadu billah, et au point où certains lui ont jeté des pierres, et il fut même rapporté qu'il a été blessé des suites de cela. Malgré ça, lorsque l'ange des montagnes lui fait cette proposition, lui fit cette proposition, il a répondu là. Il a répondu non, je ne veux pas qu'il soit exterminé. Walakin arju min Allah. Mais j'espère, je place tous mes espoirs en Allah. An yukhrija min aslabihim. قوما يعبدون الله وحده لا يشرك به شيئا. Mais j'espère en Allah Azza wa Jal qu'il fasse sortir d'eux des gens qui adoreront Allah seul, sans jamais rien lui associer. Et si tu comprends le sens de Tawhid, le but n'est pas que d'adorer Allah Azza wa Jal, mais avec le Tawhid. لأن العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تقبل إلا مع الطهارة. نعم، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأحبط العمل. Car le polythéisme, s'il se mêle à l'adoration, ça l'affecte et l'annule. Tout comme celui qui a fait ses ablutions, نعم, puis perd el wudu, ça annule son wudu. De la même façon, celui qui mélange le shirk à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit ici la grande mansuétude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa grande endurance et sa grande patience, sa douceur et sa miséricorde envers son peuple. Après tout ce qu'ils lui ont fait, après tout ce qu'ils lui ont fait, et ils ne sont pas sur sa voie, il n'invoque pas Allah Azza wa Jal contre eux. Au contraire, il endure leur nuisance et il invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal a concrétisé l'espoir du prophète alayhi salatu wa salam. C'est que par la suite, les gens de Ta'if ont embrassé l'islam. Et au jour d'aujourd'hui, à Ta'if, ce sont des musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le choix et il a choisi al-hilm wal-rahma wal-rifq. Il a choisi la mansuétude, l'endurance et la douceur. Et tu comprends que ça n'est pas dès lors que tu as un conflit avec quelqu'un que tu fais dua contre lui. Parmi les ignorants ou parmi les ignorances commises, et ce que tu peux entendre, c'est que deux musulmans se disputent. L'un d'entre eux jure par Allah Azza wa Jal qu'il ne lui pardonne pas. Ça, c'est la première chose très étonnante. La deuxième, c'est qu'il lui dit, je vais faire dua contre toi. Allahu Akbar. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce choix-là, et il ne l'a pas pris. Naam. Au contraire, lorsque les gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez cette qissa. Il y a une tribu vers le Yémen qui s'appelle Daous. C'est la tribu d'un célèbre rapporteur de hadith. Ils avaient fait du mal. Alors ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit, ya Rasulallah, ud'u Allah ala Daous. Wa messager Allah, invoque Allah contre Daous. Le prophète sallam a dit non. Puis il a fait dua pour Daous. Il a dit, Allahumma hdi Daousan wa ati bihim. Il a dit, oh Allah, guide Daous et fais-les venir. Que s'est-il passé? Ils sont venus, ils se sont convertis à l'islam. Parmi Daous, est-ce que vous savez, il y a qui? Le plus grand rapporteur de hadith de l'islam, Abu Huraira. Sa mère, ils font partie de Daous. Non. Le prophète sallam était rahim. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il était doux, il était compatissant, il était miséricordieux envers les gens et particulièrement envers les croyants. Et on voit ici ces gens-là. Naam, ils n'étaient pas musulmans. Ils lui ont fait du mal, malgré ça il s'est montré patient et endurant. Et c'est ainsi qu'il convient d'être à celui qui veut inviter les gens à l'islam. Quant à celui qui veut que tout le monde lui ouvre les bras et que son chemin soit mada, sur son chemin il y ait des roses, na'am, et qu'il soit aplani et facilité, que tout le monde lui souhaite la bienvenue et lui offre que des cadeaux, il ne pourra pas patienter dans ce chemin-là. Les gens ne vont pas accepter, pour la plupart d'entre eux, comme Allah les a décrits dans le Coran, en recevant la da'wah de la meilleure des personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors de toi? Deuxièmement, ceux qu'il appelait étaient la meilleure des générations. Que dire alors de celle-ci? Naam. Troisièmement, il avait dans son entourage les meilleurs des hommes. Il avait les meilleurs des secours, comme Khadija radiallahu anha, Abu Bakr et d'autres. Au jour d'aujourd'hui, si tu invites les gens de Tawhid, ils disent que tu as amené une nouvelle religion. Naam. Ils disent Wahhabiyya. Tu les invites à la Sunnah, ils te disent que tu ne respectes pas les ancêtres. Ils te disent que tu manques de respect aux plus vieux, et ainsi de suite. Naam. Tu veux faire les choses à la sunnah, ils te disent que tu es ignorant et tu ne connais rien. Ou ils te disent, mon père connaît mieux, ou il était plus pieux, et ceci et cela. Tu les invites à la miséricorde, tu les invites à rahma, à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et peut-être qu'ils partent mentir sur toi, et ils inventent des histoires sur toi, pour salir ton image auprès des gens, afin qu'ils n'écoutent pas ton prêche et ta da'wah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, cette chose est inéluctable, que le haqq, il triomphe tôt ou tard. Le haqq triomphe tôt ou tard, entre tes mains ou par la suite. Le secours dans ta da'wah n'est pas forcément de ton vivant. Il se peut que tu fasses da'wah toute ta vie, que les gens ne suivent pas, mais que tes dires soient véhiculés après ton décès, et que tes livres soient enseignés après ton décès. Na'am, comme ce fut le cas pour le grand savant Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, jamais Kitab al-Tawhid n'a été enseigné autant qu'après son décès. Na'am, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait sa da'wah, est-ce qu'il a vu Mecca comme il aurait voulu la voir au début? Non, mais plus de 10 ans après. Plus de 10 ans après, il y a eu les premiers fruits. Et 10 ans encore après, l'ouverture de Mecca. L'ouverture de Mecca. Et les gens qui tentaient de l'assassiner, par la suite, sont devenus ceux qui le protégeaient et auraient donné pour eux leurs propres parents et leur propre vie pour le secourir, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas hâter les fruits. Il faut se montrer endurant et patient. L'un d'entre eux, il délaisse Talab al-ilm, mais il délaisse la da'wah. Et lorsque tu lui demandes, tu lui dis, enseigne aux gens la lecture. Tu sais lire et tu sais écrire, t'as étudié. Il dit, il passe sur moi. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, tu enseignes aux gens la lecture. Pour qui? Pour eux. Tu dois enseigner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois enseigner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne t'a agressé, même si elle t'a insulté, elle a menti sur toi. Si elle vient rechercher l'ilm, viens et donne-lui l'ilm. Espère sa guider. Transmets-lui. Abu Talib, jusqu'à son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait da'wah. Il n'a pas dit, je lui ai parlé une fois ou deux, comme on dit. Je lui ai déjà fait nasiha. Conseille-le, je lui ai déjà fait nasiha. Combien de fois? Je lui ai parlé une fois, c'est suffisant. S'il cherche haqq, il va le trouver. Subhanallah. Il faut être sincère. Et comme le disent les ulama, nos ulama, notre personne ne vaut rien dans la da'wah. Et ils se méprisent eux-mêmes. Ils disent, nous, ce qu'on fait, c'est rien du tout. Devant ce que mérite comme effort, ce prêche-là. Le prêche au tawhid. Tu dois être prêt à recevoir. Tu dois être prêt à encaisser les nuisances. Ils vont mentir sur toi. Ils vont te trahir. Ils vont tricher. Ils vont mentir. Ils vont. Mais si toi tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est que nuisance. Et ça ne va pas te faire de mal. Et comme l'a dit l'imam al-Dhahabi ou un autre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas... Yani même Allah subhanahu wa ta'ala a été sujet aux mauvaises paroles de ses créatures alors qu'il les a créées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareillement, alors que c'est l'envoyé. Et tu veux toi être à l'abri de cela? Et tu veux toi être à l'abri de cela? Non. Ne délaisse pas la vérité parce qu'on parle mal de toi, ou parce qu'on te critique, ou parce qu'on ment, ou parce qu'on t'agresse, ou parce qu'on t'insulte, ou parce qu'on complote contre toi. Tout cela a été fait pour les prophètes qui sont meilleurs que toi, à des époques qui étaient meilleures que la tienne, celle dans laquelle tu vis. Malgré ça, ils ont patienté, ils ont enduré. Lis surat al-Shu'ara. Il y a les histoires des prophètes. Et vois comment Allah subhanahu wa ta'ala a secouru les prophètes et a mis en déroute leurs ennemis. Na'am, lis surat Hud et Yunus, lis le Qur'an al-A'raf, lis surat al-Zumar et d'autres, lis le Qur'an, lis surat al-Ankabut, et tout cela sera provision pour toi pour te montrer endurant et te montrer patient. Te montrer endurant et te montrer patient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi tout cela en réalité pour nous. En réalité pour que l'islam nous parvienne d'une manière pure, d'une manière complète, pour qu'on puisse connaître Allah Azza wa Jalla, adorer seul le culte sincère. Il n'appartient donc pas après à ses successeurs et à ses héritiers de ne pas se comporter comme il convient de le faire, avec sabr, avec ihtisab. T'espères la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala et tu patientes. Et aussi, si tu vois que beaucoup de personnes parlent sur toi et que tu fais da'wah et que tu appelles au bien et que tu fais du bien, cela ne doit pas t'empêcher de regarder dans ses dires et de regarder ce qui est pour toi et ce qui est contre toi. Même si chaque jour les gens se convertissent entre tes mains, si on parle sur toi, soit c'est vrai, soit c'est faux. Puis si c'est vrai, soit ça méritait cela, soit ça ne le méritait pas. Dans tous les cas, raji' nafsak, hasib nafsak. Remettons en question, regarde, peut-être que tu as fauté, peut-être que nous avons fauté dans telle mas'ala, dans telle mas'ala. Peut-être qu'on a mal agi, on a fait le mauvais choix. Et cela ne nous empêche pas de nous repentir, de revenir vers Allah et de dire, même s'il faut en public, dans telle question, je me suis trompé. Dans telle question, je me suis trompé. Dans telle question, je n'ai pas pris, suivi le bon avis. Dans cette question, j'aurais dû y aller revenir ulama et kada et kada. Na'am. Ensuite, après cela, tout le zulm, toute l'injustice, tous les mensonges, ainsi de suite, ça sache que Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, vers lui se fera le retour. Sache qu'il y aura le jugement, qu'Allah azza wa jalla va te donner pleinement ton haqq sur ceux qui t'ont opprimé, dans ton honneur, dans ton dîn, dans tes biens, et ainsi de suite. Donc, kun mutma'innan, sois tranquillisé, et n'utilise pas ton temps, na'am, n'utilise pas ton temps à la recherche de leurs défauts, tout comme ils ont essayé de le faire avec toi, au point d'avoir été obligé de mentir pour convaincre l'interlocuteur. Non. أنت اجتهد في طلب العلم وطاعة الله والتعبد والدعوة ونشر الخير. Et ne te fais pas tromper par le shaitan. Beaucoup de ceux qui sont opprimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils délaissent ce khayr. Ils délaissent l'étude. Ils délaissent da'wa, l'ibada. Pourquoi? Pour faire des assises de médisance. Pourquoi? Pour chercher à leur tour, comme l'ont fait ceux qui étaient en face de lui, leurs fautes, leurs défauts. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe au final? Ben, un, il parle sur l'autre. L'autre, il reparle sur lui. Et au final, c'est les gens qui en pâtissent. Pourquoi? Parce que le khair et l'ilm, il n'est plus transmis. La baisse. Yani, lave ton honneur. Réfute le batil. Mais continue ce sur quoi tu es. Ça doit être à l'image d'une parenthèse. Par contre, si tu en fais une base, le fait de t'occuper d'un tel, un tel part sur toi, tu parles sur lui, un tel part sur toi, tu parles sur lui, et tu arrêtes l'étude, à ce moment-là, Shaitan aura eu raison de vous deux. Non, on a menti sur toi, prends la parole et dis c'est batil, c'est du mensonge, c'est kada wa kada wa kada. Puis continue. Voilà kada. Si cela requiert plus, alors fais plus. Mais à hauteur de la nécessité. À hauteur de la nécessité. Ne sois pas faible, mais ne te fais pas tromper. Naam, ne sois pas faible. Naam. Mais ne te fais pas sortir de ce manhaj qawim qui est tahsilul ilm an-nafi'ul 'amal as-salih, qui est la base, yani l'apprentissage du bien, sa mise en pratique et sa propagation. Donc tu vois ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre nous, n'a pas été à l'abri de ces nuisances. Afwan. Et dans une des versions du hadith de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taif, on nous cite qu'il est rentré dans le jardin de personnes de Taif et qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant, après avoir prié deux unités de prière, Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta arhamu bi ila man takiluni ila aduwin yatajahhamuni أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك. Je ne comprends pas le terme utilisé. Puis il dit « Hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik ». Donc en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa baraka Allah tabaraka wa ta'ala » se plaint à lui de la faiblesse de sa force et du peu de secoureur qu'il a et du mépris qu'il trouve auprès des gens, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, tu as plus de miséricorde envers ma personne que moi-même. À qui est-ce que tu vas m'abandonner? Est-ce que tu vas m'abandonner à un de mes ennemis qui va prendre sur moi le dessus? Ou tu vas confier ma charge à un de mes proches? Tant que tu n'es pas en colère contre moi, je suis satisfait. Mais ta pitié est plus vaste pour m'englober. Puis il a cherché refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en citant la lumière de son visage qui illumine les ténèbres et ce avec quoi il y a la réforme de ce bas monde et de l'au-delà. Il a cherché refuge auprès d'Allah azza wa jalla contre sa colère et son châtiment. Et il fait ses éloges jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla soit satisfait et il finit en disant « La hawla wa la quwwata illa bik ». Nul puissance et capacité à sortir d'un état vers un autre si ce n'est par Allah. Si ce n'est que la plupart des hadiths qui ont été cités et des chaînes de transmission ne sont pas authentiques. Voici l'histoire de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taif. Et dans chaque situation, tu vois que tu dois compter sur Allah, que tu dois abandonner ton affaire à Allah tabaraka wa ta'ala et ne jamais désespérer de sa miséricorde. Et tu vois la douceur et la pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son peuple et ceux envers qui il a été envoyé. Il est même rapporté que un des jeunes hommes qui était au service des chefs de Taif ou de deux personnes propriétaires du boustan dans lequel est entré le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir subi les nuisances, qui se nomme Addas. Et Addas était un Nasrani. Et lorsqu'ils ont vu l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entendu ses paroles, ils ont eu pitié de lui. Alors, ils ont dit à Addas, qui est à leur service, apporte-lui du raisin. Il lui a apporté du raisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de manger, a dit Bismillah. Alors, Addas s'est étonné, parce qu'il ne connaissait pas cela des gens du peuple. Alors, Mada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qui es-tu, d'où viens-tu? Il lui a dit, je suis Addas, je viens de tel endroit et tel endroit, et voici ma religion. Alors, il lui a dit, tu viens de l'endroit de Younous ibn Matta, tu viens de la région d'où provient Younous, le prophète Younous ibn Matta. Alors Addas s'est étonné et il lui a dit wa ma yudrik, yani d'où connais-tu Younous? Et le prophète sallam lui a dit dhaka akhi wa nabiyyun mithli, il lui a dit c'est mon frère, voici un prophète comme je le suis. Fa akabba Addas ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu yadayhi wa rijlayhi. Naam wa aslam. Et Addas, lorsqu'il a entendu cela, il a été touché et il s'est mis sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en larmes et il l'a embrassé. Et il est entré en islam, radiallahu anhu. Et cela nous emmène au vers suivant cité par l'auteur. Wa ba'da khamsina wa rub'in aslama. Jinnu nasibina wa adu fa'alama. Après 50 années et un quart se sont convertis. Jinnu Nasibina wa Adu fa'alama. Les djinns de Nasibin. Nasibin, c'est un endroit qui se trouve entre la Turquie et l'Irak. Ou plutôt la Turquie et Souria et Cham. Wa Adu fa'alama. Puis ils sont repartis. Et connaissance de cela. Ils sont repartis où? Ils sont repartis trouver leur peuple et les ont invités à l'islam, comme Allah Azza wa Jalla le cite dans Suratu Al-Ahqaf. Fi tariqi audatihi min al-Ta'if, lors du retour, na'am, de son voyage à Ta'if, donc de Ta'if vers Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté un certain temps, et allé dans un endroit. Alors qu'un soir il faisait qiyam al-layl, ja'ahu nafarun min al-jinn. Il y a un groupe de djinns qui lui est venu et ils ont écouté sa lecture. Ils ont écouté sa récitation. Ils ont écouté sa récitation. Wa lam ya'lam bihim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qu'ils étaient là en train de l'écouter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé de cela dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela dans le Coran. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Dans سورة الأحقاف, le verset 29 jusqu'au 30 ou 31, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cette réalité et qu'il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, et rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent, donc à sa récitation, ils dirent, écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, la salat ou la lecture, ils retournèrent à leur peuple en avertisseur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et récitait le Coran. Naam. Et dans les prières de nuit, la sunnah, c'est de réciter à voix haute. Naam, de réciter à voix haute. Chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Ces djinns-là ont été envoyés, ils ont écouté sa lecture. Et ils ont énormément apprécié cette lecture. Ils ont énormément apprécié ses paroles et ont été émerveillés par le Coran. Cela les a poussés à voir l'iman. Cela les a poussés au iman. Car, min a'zami amada dawa'i l'iman, dawa'i l'iman, tadabbur, amada tadabbur al-Qur'an. Car, parmi les plus grandes causes de guider à la foi et à l'islam, le fait de méditer le Qur'an. Le fait de méditer le Qur'an. Ahl al-Qur'an, أطيب الناس قلوبا وأفضل الناس تدينا وهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Les gens du Coran, les gens qui méditent le Coran, récitent le Coran, le mémorisent, l'étudient, le mettent en pratique, l'enseignent, sont les gens au cœur le plus pur. Les gens les plus guidés sont les meilleurs des gens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous est celui qui a mémorisé le Coran, puis l'a enseigné. Puis l'a enseigné. Et nombreux sont les récits qui nous montrent les effets du Coran sur les cœurs, même lorsqu'ils ne sont pas croyants à la base. Comme dans l'histoire de Jubayr et Ibn Mut'im, dans Surat al-Tur, lorsqu'Allah Azza wa Jal, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité un jour au Maghrib, Surat al-Tur, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Jubayr ibn Mut'im n'était pas musulman à l'époque. Et Jubayr ibn Mut'im, si vous vous rappelez, c'est le fils de Mut'im ibn Adi, à qui on voulait marier Aïcha à la base. Il a entendu cela, ce verset. Il a dit, Kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler. Il a entendu le Coran. Il n'était pas musulman. Il a dit, mon cœur a failli s'envoler. Lorsque j'ai entendu le Coran, mon cœur a failli s'envoler. C'est la première fois que le iman a pénétré mon cœur. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est converti à l'islam. Elle dit ici, ils sont venus, ils n'étaient pas musulmans. Ils ont écouté le Coran, ils sont repartis musulmans. Et ça n'est pas tout. Ils ont écouté le Coran, ils ont mémorisé, ils ont médité le Coran, ils sont entrés en islam, ils sont partis inviter leur peuple à l'islam. Immédiatement. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى. Ils disent, oh notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa. En réalité, le Coran a été révélé après Moussa ou après Isa alayhi salam. Après qui? Après les deux, mais le plus proche. Et Isa alayhi salam, après Moussa alayhi salam. D'accord? Mais ici, on voit qu'Allah azza wa jalla a cité Moussa, et ça n'est pas un cas à part dans le Coran, ou dans la Sunna. Pourquoi? Les savants disent, que l'asl, asl l'injil, c'est le Torah. Les savants ont expliqué cela en disant que la base de l'injil, c'est le Torah. Et dans l'injil, il n'y a pas beaucoup plus de ahkam shar'iyya. On a détaillé, on a ajouté, mais la base est la base. C'est pour ça qu'on a cité directement la base. Dans d'autres textes, en dehors de ça, on trouve cette façon de faire. Le fait de citer les grands-parents au lieu de citer directement, par exemple, le père, parce que c'est la base et autre. Et dans le Shah de Hadith Jibril, le Shah Abdel Mahsin al-Badr, Hamidahullah Ta'ala, il détaille cela et cite cette fa'ida. C'est de là que je l'ai prise. Walhamdulillah. Donc, ils sont repartis. Ô notre peuple, répondez aux prédicateurs d'Allah et croyez en lui. Eux ont eu l'iman. Basé sur un ilm, ils ont appliqué l'islam et ensuite ils ont fait da'wah. Et ça, c'est les quatre points qu'il est obligatoire à chaque croyant de connaître. Al-ilm, premièrement. Deuxièmement, al-amalu bih, la mise en pratique. C'est ce qu'ils ont fait. Troisièmement, al-da'watu ilayh. Troisièmement, al-da'watu ilayh. Le fait d'inviter les gens à cela. Comme dans Surat al-Asr. Comme dans Surat al-Asr. Comme dans Surat Yusuf. Qul hadi sabili ad'u ila Allah. Ala basirati ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui, il vous pardonnera, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah pardonne les péchés. Une partie de vos péchés vous protégera contre un châtiment douloureux. Donc ils sont repartis et ont invité leur peuple au din. Et dans cela, il y a une grande consolation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient d'essuyer un lourd refus de Quraysh, puis de Taif. Et lorsqu'il est dans sa tristesse, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie ses djinns, ils écoutent sa lecture et se convertissent à l'islam. Il y a une grande consolation pour lui dans cela. On lui montre que même si Banu Qawmi refuse son djinn, Allah azza wa jal, parmi ses autres créatures, lui enverra des gens qui vont croire en lui. Et on voit ici, on tire de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé ila thaqalay. Na'am, au ins mais aussi au djinn. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Al-mala'ika khuliqat min nur. Les anges ont été créés de lumière. Al-jinn min nar. Na'am. Ils ont été créés de feu et Ibn Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. Comme le dit le prophète sallallahu عليه وسلم ومن لا يجيب داعي الله فليس من الله أو ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne sera échappé à son pouvoir sur terre, c'est-à-dire Allah, et n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Ceux-là sont dans un égarement évident. Et dans Sourate Al-Jin, pareillement, Allah subhanahu wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela lorsqu'il lui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinn prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, c'est-à-dire le Coran. C'est-à-dire le Coran. Yahdi ila rushd fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Qui guide vers la droiture, nous y avons cru et nous n'associerons rien jamais, ou plutôt jamais personne à notre Seigneur. Jamais personne à notre Seigneur. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhala sahibatan wa la walada. Et en vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Donc on tire également de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas les choses de l'invisible. C'est Allah azza wa jal qui l'informa de cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'informa de cela. Lors de son retour à Taif, donc cela s'est passé pendant le retour. Lors de son retour à Taif, certains ont cité certaines chaînes de transmission qui montrent que Zayd a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, comment vas-tu faire pour entrer à Mecca alors que ton peuple t'a banni? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne t'inquiète pas. Puis il l'envoya avant lui à Mecca afin qu'il demande un djiwar. On avait déjà parlé du djiwar lors de l'histoire de la jihad de Abu Bakr radiallahu anhu. Alors Zayd a demandé le djiwar à plusieurs personnes qui ont refusé. Le premier a fait preuve de lâcheté. Jabun. Naam. Il a eu peur. Il a dit non. Le deuxième a refusé. Plusieurs ont refusé. Et à la fin, c'est Mada Adi ou bien Mut'im ibn Adi ou un autre, j'ai oublié, qui a accepté d'accorder Al-Jiwa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est le Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi. Il a ordonné à ses enfants de prendre les armes. Il n'était pas musulman. Il a ordonné à ses enfants de prendre les armes et de se mettre auprès de la Kaaba. Et le prophète sallam est entré et il a pu prier et lui a accordé yani, la sécurité avec sa tribu. Et il a appelé Quraysh et a dit que personne ne touche Muhammad. Fa inni qad ajabtu. Je lui ai accordé mon voisinage. Yani ma protection. Cela a été raconté. Allahu alam bi as-siha. Et yani, tout cela, le détail de Taif et de ce qui lui est arrivé et de son retour, il n'y a pas de chaîne de transmission véritablement authentique. Mais il y a une base, il y a une base qui montre que le prophète sallam est parti à Taif, on a cité les hadiths. Et deuxièmement, il y a une base qui montre que Al-Mut'im ibn Adi a été bienfaisant envers lui dans le passé. Pourquoi cela? Car dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'il y a eu 70 prisonniers parmi Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Law kana al-Mut'im ibn Adi hayyan thumma kallamani fi itlaq ha'ula thumma kallamani fi sirah ha'ula wa itlaq ha'ula la taraktuhum la." Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Si al-Mut'im ibn Adi avait été vivant au jour d'aujourd'hui et qu'il aurait intercédé pour ces 70 personnes, je les aurais délivrés à lui. Je les lui aurais remis." Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit: cela montre que le Mut'im ibn Adi avait fait un bien au prophète sallam dans le passé. Et ils ont cité deux choses. Premièrement, qu'il fait partie de ceux qui ont annulé le As-Sahifa, le traité, yani al-Muqata'a al-Amma, le blocus qu'ils ont fait à Banu Hashim. Il faisait partie de ceux qui ont fait les causes pour annuler et délivrer Banu Hashim de ce traité injuste. La deuxième chose, c'est que il lui a accordé le diwar. Et Hafidh ibn Hajar dit, ça fait référence au diwar. Donc ça, c'est un texte authentique qui fait référence à la bienfaisance de Mut'im ibn Adi envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose me revient. Certains frères, jazakumullahu khayran, m'ont envoyé, m'ont fait savoir qu'on avait dit que l'arada, c'est la bête qui a mangé des parties du traité, de la feuille qui était collée à, qui était accrochée à la Kaaba. Nous, en cours, on avait dit que l'arada, que la bête avait mangé quoi? Tous les endroits où il y avait le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le frère Afad Ali, le frère m'a transmis une science que j'ignorais. Il m'a dit, il m'a envoyé un texte où c'était cité qu'il a mangé tout sauf le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tout sauf le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et tu m'avais posé la question la semaine passée. C'était pour cela? Tu avais lu cela? Ou tu avais eu connaissance de cela? Ou tu m'as posé la question comme ça? Tu avais connaissance de cela? Allahumma barak. Donc Yanis m'avait questionné sur cela en me disant, est-ce que, avec ce noble caractère, jazakallahu khayran wa barakallahu fik, est-ce que l'arabe a mangé tous les endroits où il y avait la citation d'Allah ou tous les endroits où il n'y avait pas la citation d'Allah? Et je lui ai dit, à hauteur de mes connaissances, mais il avait une science au-dessus de la mienne, donc à hauteur de mes connaissances, c'était que l'arabe a tout mangé sauf qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit en cours? Avaient mangé le nom d'Allah et avaient laissé que leur traité injuste. N'est-ce pas? Et une des sagesses, c'est de montrer que le nom d'Allah azzawajal ne se mélange pas avec ce volume. Suite à ce que m'a envoyé le frère, j'ai cherché. Et par la grâce d'Allah azzawajal, j'ai trouvé que d'autres parmi les savants ont cité exactement le contraire. C'est-à-dire que, donc la première version est ce que je vous ai cité. Une autre version dit qu'elle arada à manger toutes leurs paroles et à laisser le nom d'Allah Azza wa Jalla. Quoi qu'il en soit, c'est le même résultat, c'est la même sagesse. Quoi qu'il en soit, c'est le même résultat et c'est la même sagesse. Ibn Ishaq a cité la première parole, Ibn Sa'd a cité la deuxième. Donc les deux paroles ont été citées et ont été citées par les grands savants de As-Sira. Une âme de As-Sira. Jazakumullahu khayra. Et lorsque je fais une faute, non, par exemple, lorsque le frère m'a cité cela, je lui dis, rappelle-le-moi vendredi pour que je me corrige sur cette faute-là. Et en cherchant, non, j'ai vu qu'en fait, il y avait deux versions. Ça n'était pas une faute, mais il y avait une autre version. Et il se peut que ce soit une faute de temps à autre en cours, vous me faites la remarque dans le cours, vous posez la question, et on cherche. Non, mais on est tous, il y a rien à peu près au même niveau, la ta'awa. S'il n'y a pas de shirk. Non, il n'y a pas de shirk. On espère faire partie des mini twaylib ilm. Non, des mini étudiants en sciences. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à atteindre le niveau du petit talbi'in. Na'am. Mais il n'y a pas ici de shir ou bien de personne qui est yani bien supérieur de par son ilm. On s'assoit ensemble pour se rappeler l'ilm qui nous est transmis par Ahlul ilm. C'est tout. Ici, il n'y a pas de shir, il n'y a pas de personne qui yani mérite cette appellation ou on vient chercher sa science ensuite. On n'a pas ça ici. Et si vous connaissez une personne comme ça, vous me le dites, on va ensemble, inshallah, prendre de son ilm. D'accord? بارك الله فيكم. Voici pour ماذا pour ce passage là. Ensuite l'auteur رحمه الله تعالى nous dit. طيب avant ça وبعد خمسين وربع أسلم. Donc après 50 et un quart se sont convertis les djinns de Nasibin. Nasibin à l'endroit qui se trouve après la Turquie, avant Sham, ou Adou, puis ils sont revenus à leur peuple pour les appeler à l'islam, fa'alama, sache cela. Wabada khamsin, waruba, ça fait référence à quoi? Wabada khamsin aymin umuri. Après 50, c'est-à-dire après 50 ans passés de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ay, bada ashr, mimada min al-bi'tha. بعد عشر سنوات من البعثة. Après 10 années, après, يعني 10 ans après l'Égypte. Ou si vous voulez, vous dites 50 ans après, يعني 50 ans de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, soit on dit 10 ans après le بعثة, soit on dit après 50 années. Passé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وربع, et un quart. Un quart de quoi? Hein? ربع سنة. Après un quart d'un an. C'est combien un quart d'un an? Hein? C'est 3 mois. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut atteint 50 ans et 3 mois. Cette histoire lui est arrivée. Cette histoire lui est arrivée. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit ثُمَّ عَلَى سَوْدَاتَ أَمْضَ عَقْدَهُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ عَقْدُ بْنَةِ الصِّدِّيقِ فِي شَوَّالِ وبعد خمسين وعام تالي. الناظم رحمه الله تعالى نجيب que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Sauda durant le mois de Ramadan et après cela il a contracté le mariage avec Ibnatu As-Siddiq, la fille du très véridique. Le très véridique, c'est le surnom de Abu Bakr. Et certains savants ont dit qu'il a été يعني لقب بذلك بعد تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإسراء والمعراج. Et c'est le vers qui suit. Donc As-Siddiq signifie le très véridique. As-Sadiq, c'est le véridique. As-Siddiq, na'am, c'est l'exagération de la chose. D'accord, en arabe on dit l'exagération, en français c'est pas la bonne connotation, mais le très véridique. C'est le plus haut niveau juste après les prophètes. D'accord? C'est le plus haut niveau après les prophètes. C'est pour ça que dans le Coran, lorsqu'on fit les éloges de Maryam, alayha salam, après avoir parlé de Isa, on a dit que sa mère était Siddiqa. On n'a pas dit Nabiya. Dans un moment, on fait ses éloges. C'est la preuve qu'il n'y a pas de femme prophète ou prophétesse, si ça se dit. Non? Donc, le plus haut niveau que puisse atteindre une personne, homme ou femme, après les prophètes, c'est quoi? Le fait d'être siddiq. Et le meilleur d'entre eux est Abu Bakr, radiallahu anhu. Sa fille Aïcha est surnommée Bintu Siddiq, Ibnatu Siddiq, la fille du très véridique. Et elle également, c'est Siddiq. Elle également, c'est Siddiqatu Bintu Siddiq. Dans le mois de Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Dans le mois de Shawwal, le prophète sallam l'a épousée. C'est pour ça que certaines personnes aiment bien se marier durant le mois de Shawwal, comme c'était le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a déjà cité l'histoire de ces deux mariages. وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَعَامٍ تَالِ Après avoir dépassé 50 ans plus une année qui a suivi, c'est-à-dire 51 ans, أُسْرِي بِهِ وَالصَّلَوَاتُ فُرِضَتْ خَمْسًا بِخَمْسِينَ كَمَا قَدْ حُفِضَتْ Donc, après 50 ans, après 50 ans, plus une année qui a suivi. Donc 50 plus 1, ça fait 51 ans. Usri bihi wa salawatu furidat. Donc, on le fit voyager de nuit et les prières lui ont été rendues obligatoires. Khamsan bi khamsina kama qad hufidat. 5 pour 50, comme ceci a été mémorisé. C'est-à-dire qu'après avoir dépassé 51 ans, après avoir dépassé 51 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra. Al-Isra lughatan huwa sayru laylan. Al-Isra dans la langue arabe, c'est le fait de voyager de nuit. C'est le fait de voyager de nuit. وَالصَّلَوَاتُ فُرِضَتْ Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par la suite Al-Mi'raj, Al-Mi'raj, Luratan alatu su'ud, Al-Uruj. Al-Mi'raj, dans la langue arabe, c'est l'outil qui sert à monter. Et ce qui est voulu ici, c'est l'ascension. Ce qui est voulu ici, c'est l'ascension. يعني العروج السعود l'élévation. Donc quand il a dépassé le septième ciel, au septième ciel il a vu Jibril sous la forme dans laquelle il a été créé, et par la suite on lui a ordonné les 50 prières. L'auteur dit khamsan bi khamsi, khamsan bil fi'l, 5, c'est-à-dire ce qu'il devra faire au final, 5 prières. Bi khamsi, ça c'est l'ajr. Donc, il prie 5 prières, mais il est récompensé comme s'il en faisait 50. C'est pour lui et pour toute sa communauté. كَمَا قَدْ حُفِضَتْ أَيْ فِي سُنَّةِ الصَّحِيحَ Comme ceci a été mémorisé ou retenu, c'est-à-dire dans la sunna authentique. حَدِثُ الْإِسْرَاءِ الْمِعْرَاجِ Il rapporte en Sahih Muslim, il rapporte en Sahih Bukhari et dans d'autres livres. Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 52 ans. Avait 52 ans. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala nous dit 51 ans et 9 mois. 51 ans et 9 mois. Et al-Nadhim ici nous dit ba'da khamsina wa 'amin tali. Ayatlu. Yani après 50 ans et 1 an qui a suivi. Donc toutes ces paroles sont semblables en réalité. Al-Isra c'est donc le voyage nocturne. Al-Isra en langue arabe ça veut dire voyager de nuit. Al-Isra concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un voyage de nuit, min al-masjid al-haram, na'am, il al-masjid al-aqsa. D'accord? Al-Isra pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est qu'il a voyagé de nuit du masjid al-haram à Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis. Na'am, jusqu'à Bayt al-Maqdis. وهذا الإسراء كان ببدني وروحي بلا شك. Et ce voyage كان يقظة. C'est un voyage, يعني il était éveillé. C'est pas un rêve. Et c'est pas son âme seulement qui a voyagé, c'est sa propre personne. La preuve de cela, c'est qu'Allah عز وجل dit dans le Coran, dans سورة الإسراء, au début, بسم الله الرحمن الرحيم, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Allah Azza wa Jal, في هذه الآية قال سبحان الذي أسرى بعبده ولا يقال للشخص عبدا إلا في بدنه وروحه. Quelle est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son être lui-même, dhatiya, a fait l'Isra et non pas que son âme ou un rêve ou autre? C'est qu'Allah Azza wa Jalla, en surat al-Isra, nous dit, Subhanalladhi asra bi'abdihi. Exempté soit de tout défaut, celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. Celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. Et on n'appelle pas une personne serviteur, si ce n'est en visant son être. Et lui-même, on ne parle pas de l'âme d'une personne, on ne dit pas que c'est un serviteur. Donc ça, c'est la preuve qu'il s'agit bien d'un voyage, et sa personne, lui, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ce voyage. Donc, de Mecca, Masjid al-Haram, ça tombe al-Hijj, jusqu'à Bayt al-Maqdis. À Bayt al-Maqdis, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il est accompagné de qui déjà? De Jibril. Il est accompagné de Jibril. C'est Jibril qui l'a fait voyager de Masjid al-Haram à Bayt al-Maqdis. Ensuite, à cet endroit-là, Amma al-Nas, man al-Anbiya, salla bihim imam. Il a fait une prière et derrière lui, il y avait les prophètes. Et c'était lui l'imam sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit de cela que c'est le meilleur des prophètes et des messagers. On voit de cela que c'est le meilleur des prophètes et des messagers. Et on voit son mérite. Et on voit son mérite parmi les hommes et d'entre eux les différents prophètes et messagers. Ensuite, donc ça c'est le voyage sur terre. Après cela, urija bihi إلى سماء الأولى ثم من الأولى إلى الثانية ثم الثانية إلى الثالثة ثم الثالثة إلى الرابعة ثم الرابعة إلى الخامسة ثم الخامسة إلى السادسة ثم السادسة إلى السابعة. هنا رأى جبريل في سورته التي خلق أو خلقها ربه سبحانه وتعالى. Arrivé à cet endroit après avoir fait salat, il a été élevé. نعم. Et il avait un animal qu'on nomme al-Buraq, qui est entre eux, qui est sous le cheval, dans sa forme, et au-dessus du mulet, si mes souvenirs sont bons. Akadar Azman, Tadkur, al-Ba'al, Na'am, comment est-ce qu'on va traduire? Abdelkarim, Indakashay, al-Ba'al, comment j'ai traduit? À la Kulli Hal, je regarderai la traduction. Il y a un animal qui se trouve entre eux. Au-dessus de l'âne et en dessus du mulet ou bien du cheval. Je réviserai, Inch'Allahu Ta'ala, pour la semaine prochaine. Et chaque bond lui faisait atteindre l'horizon. C'est un animal très, très, très rapide. Et à chaque ciel, il a rencontré un prophète ou plusieurs. Et on lui demandait, est-ce qu'il est invité ou est-ce qu'il a la permission, et on le laissait passer, parce qu'il y a des gardiens, pour chaque ciel il y a des gardiens. À la kulli hal, il est parti jusqu'au premier ciel, ensuite au deuxième, ensuite au troisième, ensuite au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième, il a vu Jibril sous sa forme sous laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créé. C'est-à-dire qu'il avait 600 ailes et il couvrait l'horizon. Na'am. Puis il a dépassé ce stade que personne ne pouvait dépasser. Et là, kallamahu rabbu, kama kallama Moussa, alayhi salam. Et là, Allah Azza wa Jal lui a parlé, tout comme il avait parlé auparavant à Moussa, alayhi salam. Et de là, tu comprends les gens de ceux qui disent, Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah, wa Moussa Kalimullah. Tu comprends les gens de ceux qui disent que Muhammad est le bien-aimé d'Allah, Moussa, celui à qui Allah a parlé ou qui a parlé à Allah de vive voix, et que Ibrahim est l'ami intime d'Allah qui atteint le niveau le plus haut d'amour. Al-Khulla, c'est le A'la darajat al-Hub. En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ces trois caractéristiques. C'est Habibur Rahman, Khalilur Rahman, wa Kalim. Il a ces trois caractéristiques sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut lui donner son haq. Wa abdullah wa rasuluh. On n'exagère pas sur lui, mais on lui donne son haq sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce que lui a ordonné son Seigneur à ce moment-là, sans intermédiaire, il lui a parlé de vive voix, il lui a ordonné 50 prières. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu au niveau de Moussa alayhi salam, na'am, la semaine prochaine on verra le hadith en détail inshallah ta'ala, Moussa alayhi salam lui a demandé ce que son seigneur lui avait commandé. Il lui a dit 50 prières. Moussa alayhi salam lui a dit 50 prières, remonte et salwa takhfif, demande à Allah qu'il t'allège cela, j'ai été éprouvé par Banu Israël, par moi que cela ils n'ont pas supporté. Puis le prophète sallam est remonté et Allah azza wa jalla lui a allégé et lui a enlevé de 10 à 10 jusqu'à attendre le nombre de 5. Arrivé au nombre de 5, Moussa alayhi salam a dit à nouveau au prophète sallam, remonte et demande à Allah azza wa jalla de t'alléger, ton peuple ne va pas supporter 100 salats. Allahu akbar, Allahu akbar. De 50 c'est passé à 5. Et Moussa alayhi salam a eu peur pour notre communauté en disant qu'ils ne supporteront pas. Wa sadaq sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, les gens n'ont pas supporté 100 salats. Ils disent la ilaha illallah, ils disent être musulmans, et ils n'arrivent pas à salli 5 salats. Il n'arrive pas à poser son front une fois, yani, sur le sol dans sa vie. Et ensuite, lorsqu'il décède, il vient nous voir au masjid pour qu'on le lave et qu'on prie sur lui. Subhanallah. Il n'a jamais posé son front par terre. Il n'a pas pu faire 5 salats dans sa vie. Wa kana da'iyan l'islam. Il prétendait être musulman. Alladhi la salata la, la islam la. Celui qui n'a pas de salat, il n'a pas de dîn. Il n'a pas de dîn. Celui qui n'a pas de salat, il n'a pas de dîn. C'est la seule adoration qui a été ordonnée au prophète sallam sans intermédiaire. C'est la seule adoration qui a été ordonnée au prophète sallam alors qu'il n'était pas sur terre. Toutes les adorations lui ont été ordonnées, il était sur la terre, sauf la salat. Allah Azza wa Jalla l'a élevé et lui a légiféré tout ce qu'on a vu. Et il s'est passé tout ce qu'on a vu comme événement. Ensuite seulement, il lui a ordonné salat. Comment est-ce que tu délaisses la salat? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاتِ أَضَاعُوا الصَّلَاتِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Non, celui qui délaisse la salat a été menacé latent un fleuve finnar. Un fleuve finnar, comme on dit certains min al-mufassiri, ou un des endroits de l'enfer, wal-iyadu billah. Na'am, al-musallun daruhum al-jannah. Na'am, wallahu musta'an. Donc, la salat lui a été ordonnée et ça a été allégé jusqu'au nombre de 5. À la fin, on lui a dit, elles sont au nombre de 5, mais 50 dans la récompense. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais 50 salats. C'est comme si tu faisais 50 salats. On va s'arrêter sur cela. Et on est pour que ça ne soit pas trop long. Et la semaine prochaine, inshallah ta'ala, on citera les fawaïd de l'Isra et le détail de l'Isra. Juste un point, c'est que certaines personnes, ya rahmakallah, fêtent la, je sais pas comment dire, ils fêtent l'Isra et le Mi'raj la 27e nuit du mois de Rajab, du mois duquel nous venons de sortir. Na'am. Et lorsque tu leur demandes pourquoi, ils disent parce que c'est un jour immense, c'est une nuit immense, wakana, donc il faut faire des repas, les emmener à la mosquée ou pas, et il faut fêter ce jour et ainsi de suite. Ils le mettent dans leur calendrier. هذا غلط عظيم وهذه بدعة شنيعة وكلها ضلالة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في غير ما خطبه ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Qu'est-ce qu'ils font la nuit du 27? Ils font des fêtes et ainsi de suite. Ils disent c'est la nuit du Salat al-Mi'raj. Ça c'est faux et c'est caduque de plusieurs points de vue. Premièrement, l'Eid c'est une ibadah. Et il y en a deux qui nous ont été légiférés en islam, comme dans le hadith lorsque le prophète est arrivé à Médine. Deuxièmement, nous n'avons pas de preuve que l'Isra al-Mi'raj a eu lieu le 27 de Rajab. Troisièmement ou quatrièmement, nous n'avons pas de preuve que ça a eu lieu durant le mois de Rajab. Cinquièmement ou quatrièmement, le prophète n'a pas fêté cela. Cinquièmement ou sixièmement, les sahaba n'ont pas fêté cela. Non. Donc, nous n'avons pas le droit de fêter une fête que le prophète ne nous a pas enseignée afin de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un dernier point que j'ai oublié de citer. Quelle est la sagesse d'avoir fait l'Isra avant le Mi'raj? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement fait monter le prophète sallam afin qu'il reçoive les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il ait ses miracles? Man indahu jawab? Tafadhal. Parce que c'était un signe pour que la Quraysh prenne en bas. Crois. Pour qu'il prenne en bas. parce que de Mecca pour aller à Beit Maqdis, il fallait des mois, et lui, il l'a fait en une nuit. Allah barak. Donc, comme a dit notre petit frère grand, Jazakallahu khayran, barakallahu fi, car en cela, il y allait avoir un signe. Al-Isra était allé être un signe de la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant quoi? Al-Mi'raj, concernant l'ascension. Pourquoi cela? Kuffar Quraysh faisait ce voyage. Ils allaient fi Sham et ils revenaient. Et ils le faisaient en plus d'un mois. N'est-ce pas? Ils le faisaient en plus d'un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en combien de temps? En une partie d'une nuit, il a fait l'Isra, ensuite il a fait le Mi'raj, ensuite il est revenu à Mecca. Alors que le faisait en plus d'un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait venir affirmer le Mi'raj, ils ne connaissent pas le Mi'raj, ils ne connaissent pas tout ça. Ils allaient rejeter cela, n'est-ce pas? Mais on a mis aussi l'Isra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc vu Bayt al-Maqdis. Et lorsqu'il est venu leur dire ce qu'il lui était arrivé, Abu Jahl s'est réjoui. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était la fin pour lui. Pourquoi? Parce que personne n'allait le croire. Selon lui, personne n'allait le croire. Personne n'allait le croire. Quand lui, il a fait ce que eux faisaient en plus d'un mois. Et aussi, ils connaissaient la description, donc, vu qu'ils le faisaient ce voyage. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux informer les autres de cela? Abu Jahl s'est réjoui. Pour lui, c'était une grande réussite, une grande prise, pour réduire le prophète sallam au mensonge. Il lui a dit, est-ce que je peux raconter ça aux gens? Et si je ramène les gens, tu vas redire la même chose? Il a dit oui. Et il est parti crier que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prétendu avoir voyagé en une nuit de Mecca ila Bayt al-Maqdis, puis monter au 7e ciel et plus encore, et revenir à Mecca, et tout cela en une nuit. Alors ils lui ont dit, si tu es véridique, décris-nous Bayt al-Maqdis. C'est comment là-bas? Et ils savent tous que le prophète sallam n'a jamais mis les pieds dans cet endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé dans une situation très difficile. Que s'est-il passé? Allah tabaraka wa ta'ala lui a mis Bayt al-Maqdis comme s'il le voyait devant lui. Et il leur a tout décrit en détail. Il leur a tout décrit en détail. Les édifices et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, quant à la description, il a été véridique, on peut rien dire. Là, donc ça, c'était quoi? C'était, ça allait être une marque de véracité de ses propos. S'il reconnaît sa véracité pour l'Isra, s'il reconnaît la véracité pour l'Isra, ils sont obligés de reconnaître quoi par la suite? Al-Mi'raj. D'accord? Al-Mi'raj. Par contre, en disant Al-Mi'raj seulement, ils auraient dit, on ne connaît pas cela, personne n'a parlé de ça, il n'y en a pas de preuve, et ceci et cela. Mais en parlant de l'Isra, et en décrivant ce qu'il a vu à Bayt al-Maqdis, ça a été un gage de vérité en sa faveur. Wallahu a'lam, wa salli allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم اكفنا شر الأشرار اللهم اصرف عنا شرورهم اللهم اصرف عنا شرورهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.